faces flying, she goes down. Le 15 février 2013, CKRL aura 40 ans. Soyez des nôtres. Restez à l'écoute. 89. Okay, ready. Let's do it. I'm on a road again. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. I'm on a road again. I'm on a road again. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca. Et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelle du 15 juin 1997. Après des années d'attente, la microbrasserie La Barberie ouvre enfin ses portes dans la capitale de Québec et prévoit mettre en vente la bière La Sincère dès aujourd'hui au Bal du Lézard. Voici les sports avec Mike Marcoux. Tiger Woods devient le numéro 1 mondial après seulement 42 semaines chez les professionnels. Il est bien évident que le jeune homme ne s'intéresse qu'au golf. Alors, mesdames, inutile de rêver. C'était Mike Marcoux en direct d'Ouest. Merci, Mike Marcoux. Nous vous avons présenté le radiojournal de ce 15 juin 1997. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Et c'est déjà le dernier bloc pour l'émission Terra Incognita en compagnie de Bruno et Jean-François. Et on a terminé avec Omnia Opera, avec un album qui s'appelle Nothing is Ordinary et la pièce Liquid Underground. Et juste avant, c'était Neil Morse, la pièce tête de son album Momentum. Et c'était précédé de RPWL qui sera à la convention Terra Incognita, en fait, comme headliner de la première soirée. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Sleep, extrait d'un album que j'aime beaucoup qui s'appelle The World Through My Eyes, qui date de quelques années, mais qui est toujours aussi pertinent. Et ce bloc avait débuté avec la pièce Taurine du groupe Ido qu'on a reçu ce soir avec Philippe Bourque. Et je vous rappelle que le concert, en fait on n'a pas parlé de l'heure, mais le concert qui sera donné pour le lancement de ce mini-album, ça aura lieu à partir de 21h. Et les billets sont en vente à la porte. Et on y va avec pour terminer ce dernier bloc avec Wicked Mind. Comment que vous avez mis dans les dernières semaines un album qui s'appelle Visioni, Deliri et Illusioni. Et c'est un groupe italien qui reprend des grands standards de groupes comme PFM et d'autres groupes plus obscurs. Il y a aussi Les Ormes, qu'on aime beaucoup. Mais ce qu'on va entendre, c'est Zarathustra du groupe Museo Rosenbach. Et on va entendre la version de Wicked Minds. Si nasconde in chi construis ton monde dans la même. Sempre accanto a me. Plus de sang et d'air de fond. enfer. Je la cherche, mais en vain. J'ai sillonné tous les chemins. J'ai payé le marchand d'hommes. Je poursuis ma quête triste dans l'espoir. Awaking to another world. Et nous sommes de retour après Arjan Anthony Lucassen et son album Lost in the New Real. On a entendu The New Real. Un très bon disque. J'ai eu un appel juste avant d'entrer en onde et la personne me disait qu'elle aimait beaucoup cet album-là et qu'elle était très satisfaite de la programmation de la Convention Terra Incognita. Et c'est pas terminé, il reste encore deux noms à annoncer. Et juste avant ça, on a entendu Jellyfish, de son très bon album Symbiose. On a entendu Le Marchand d'hommes. Et c'est déjà malheureusement, c'est déjà tout. Je pense qu'on a eu une belle émission avec comme invité Philippe Bourque du groupe Edo. Et plein de choses intéressantes aussi. Vous étiez en compagnie de Bruno et Jean-François. Et restez à l'écoute parce que c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve qui va suivre immédiatement après. Et on va se laisser sur un groupe qui s'appelle Eldum and the Born Electric. On va entendre la pièce It's Electric. Et soyez avec nous encore la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.